Alors j'ai tout bricolé. À 20 ans, tu survis en apprenant à te débrouiller. J'fais mille petits tafs pour tenir mes ambitions. J'me débrouille chaque jour dans cette drôle de génération. On veut tout réussir, mais le chemin coûte trop cher. Alors j'prends ce qui a, j'bâtis ma route en travers. J'suis né dans le système, mais j'suis pas né pour le suivre. J'crée mes propres règles pour continuer de survivre. J'fais mes plans, mes moves, j'me repose jamais. Débrouillard 2.0, obligé d'apprivoiser. J'me débrouille, j'me perds, mais j'rebondis toujours. Cherche ma place, j'avance. Faut s'adapter en courant. Tu fais tout toi-même, sinon tu restes sur le gérant. On vit le système d'idées qu'on fabrique. On invente nos routes quand les chemins sont trop étroits, trop critiques. Je me lève tôt, je dors tard, je sais même plus ce que je ressens. Mais je lâche jamais parce que j'ai le feu depuis longtemps. On veut pas briller, juste tenir la journée. On devient débrouillard quand le monde veut t'empêcher d'avancer. Je me débrouille, je me perds, mais je rebondis toujours. Cherche ma place, j'avance, même quand tout fait. On est débrouillard, on avance sans assurance. J'crée ma route sans mode d'emploi. Débrouillard 2.0, j'fais avec ce que la vie m'envoie.